Il était une fois des histoires en musique avec Élodie Fondacci. Des histoires. Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît, de me raconter une histoire? Encore une histoire? Vous avez été sage, vous êtes sûr? Bon, d'accord. Je vais vous raconter l'histoire des frères loups. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, parce que l'histoire va commencer. Par une nuit froide, loin d'ici, Cassiopée la louve mit au monde deux louveteaux. Elle les appela tout gris et tout noir. Avant de s'assoupir, Cassiopée les lécha de sa langue râpeuse. Tout noir avait le poil noir et le museau tout blanc. Tout gris était clair, avec de grandes oreilles et des yeux jaunes et perçants. Le lendemain matin, alors que la neige brillait dans le soleil, Xerox le féroce, le chef de la meute, vint voir les nouveau-nés. Xerox les renifla et il déclara « Grâce à son museau blanc, tout noir doit bien sentir les odeurs. Quand il sera grand, il sera chasseur. Tout gris a de grandes oreilles et les yeux perçants. Quand il sera grand, il sera guetteur. » Et ayant dit ces mots, le vieux loup s'en fut. Jour après jour, les deux louveteaux s'éloignaient de leur mère et partaient à la découverte du monde. Souvent, ils jouaient à la bagarre et souvent, tout noir était plus fort que tout gris. Un soir, alors qu'ils étaient blottis contre Cassiopée, tout gris eut l'impression que sa mère léchait tout noir plus tendrement et cela lui serra le cœur. Le printemps arriva. Les deux louveteaux firent connaissance avec la forêt et ses animaux. Tout noir découvrit son métier de chasseur et tout gris celui de guetteur. Le vieux Palmore apprit à tout noir à reconnaître l'odeur du lapin, du blaireau, de la belette et comment bondir sur sa proie. Le vieux Palmore apprit à tout gris les bruits du grillon, de l'alouette ou du rusé renard. Mais un jour, tout gris eut l'impression que le vieux Palmore s'occupait plus de tout noir que de lui. Et cela lui fit mal au creux du ventre. L'été fut là. Les jeunes loups étaient magnifiques. On ne voyait jamais tout gris sans tout noir, ni tout noir sans tout gris. Parfois, leur jolie cousine les appelait « Tout noir, tout gris, allons nager dans le torrent !» Tout noir se précipitait aussitôt, rapide comme l'éclair. Mais un jour, quand tout gris le rejoignit au bord de l'eau, il vit sa cousine qui mordillait tendrement l'oreille de tout noir. Tout gris pensa alors « Ça ne me plaît pas du tout que ma cousine préfère tout noir. » Le temps passa. Un jour d'automne, Xerox le féroce dit « Vous voilà grand. Dès ce soir, tout gris, tu guetteras sur le rocher. Demain, tout noir, tu chasseras avec la meute. » Tout noir et tout gris étaient tristes. « Comment vais-je dormir si tu n'es pas couché contre moi ?» demanda tout noir. « Avec qui vais-je jouer à la bagarre si tu n'es pas là ?» répondit tout gris. Mais Xerox avait parlé, et il fallait donc obéir. Sous le soleil de midi, tout noir chassa, et dans le froid de la nuit, tout gris guetta. Et maintenant, on voyait souvent tout gris sans tout noir, et tout noir sans tout gris. Un soir d'hiver, les frères loups se croisèrent. Ils se donnèrent un coup de langue, puis tout noir alla se coucher et tout gris partit guetter. Plus tard, en s'installant sur son rocher, tout gris soupira. C'est plus amusant d'être un chasseur. Décidément, tout noir a toujours de la chance. Or, c'est au plus noir de cette nuit-là que la bande de renards attaqua les loups. Tout gris, les vit se faufiler entre les arbres. Vite, il donna l'alerte. C'était le début d'une grande bataille. Courageusement, les loups grondèrent. Ils mordirent. Ils griffèrent les flancs des rusés renards. Tout gris se battait vaillamment quand tout à coup, il vit un renard saisir tout noir et l'entraîner dans les taillis. Tout gris se précipita pour sauver son frère. D'un bond formidable, il attaqua. Lâchant tout noir, le renard se retourna et griffa l'épaule de tout gris. Mais tout gris, plein de courage, se jeta sur l'ennemi et le mordit violemment. Le renard s'enfuit aussitôt. Alors, tout noir et tout gris repartirent ensemble au combat. Et enfin, tard dans la nuit, les loups gagnèrent la bataille. Au petit matin, les loups léchaient leurs plaies. Tout gris et tout noir se reposaient l'un contre l'autre. Ils étaient heureux d'être ensemble. Tout gris avec tout noir avec tout gris. Chacun se réchauffait à la chaleur de l'autre. De temps en temps, la queue de tout noir battait l'air doucement. Et de temps en temps, tout gris mordillait tout noir, gentiment. Et ce soir-là, autour du feu, le vieux Palmore raconta l'histoire d'un loup très brave, appelé Tout Gris, un formidable guetteur, un loup si courageux qu'il avait sauvé son frère. Et quand Palmore finit son histoire, les yeux de tous les loups brillaient dans la nuit noire. Voilà, c'était Les Frères Loups, une histoire de Pascal Chenel que je vous ai racontée ce soir sur la musique de Antonín Dvořák, la Symphonie du Nouveau Monde, une émission réalisée par Clément Douineau. Cette histoire est celle que vous trouverez dans le beau magazine Les Belles Histoires qui est en kiosque actuellement, le numéro du mois de février. Donc si vous avez envie de lire et de relire l'histoire des Frères Loups, eh bien n'hésitez pas à vous procurer ce magazine qui est en plus magnifiquement illustré tout en collage par Britta Teckentrup. Voilà. On se retrouve demain pour une autre histoire à partir de 20h. Je vous souhaite une très bonne nuit.